Viens chanter pour le bon Dieu, John. Well. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Si tu veux qu'il te pardonne, John. Viens chanter de ton mieux. Chanter pour le bon Dieu, John. Si tu veux qu'il te pardonne, John, viens chanter de ton mieux. Le dimanche et la semaine, nous vivons tête baissée et penchée sur notre peine, sans jamais nous relever. La chanson est toujours la même. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Si tu veux qu'il te pardonne, John, viens chanter de ton mieux. À genoux, dès la naissance, devant Dieu ou le patron, nous passons notre existence à toujours baisser le front. Et nous vivons dans l'espérance d'obtenir leur pardon. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Si tu veux qu'il te pardonne, John, viens chanter de ton mieux. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Dans cette église, nous crions nos chants d'amour. Et malgré nos vocalises, le bon Dieu est resté sourd. Mais où est-elle la terre promise qu'on espère chaque jour? Bien chanter pour le bon Dieu, John. Ouais. Bien chanter pour le bon Dieu, John. Si tu veux qu'il te pardonne, John, viens chanter de ton mieux. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Viens chanter pour le bon Dieu, John. Si tu veux qu'il te pardonne, John, viens chanter de ton mieux. Viens chanter pour le bon Dieu.